ak la fwa rete tan nou. Yeah, ak la fwa rete tan nou. Yeah, ou yo va monte. Gras la va disan. Yeah, ak la fwa rete tan nou. Seul moins gagné, qui capable.